Bon, je tends l'oreille et qu'est-ce que je vois? Vous. J'ouvre l'œil et qu'est-ce que j'entends? Un bruit douteux. Attends, ça rend tout de journée. On n'a pas le même matos, hein. C'est de permettre aux gens qui nous écoutent bah, encore de nous rejoindre. Parce qu'en fait, le but du jeu de sur France Bleu Périgord, c'est un jeu estival. C'est tous les jours, on est dans une commune différente. Et le but, c'est que la commune soit la plus dynamique. Donc, le plus de gens qui essaient de nous retrouver, nous animateurs. Et ça permet ce rendez-vous bah, de teaser, de parler des événements qui ont lieu dans la commune. Voilà, entre autres, évidemment, la fête du couteau. C'est vous qui fabriquez ça, monsieur? C'est un prototype. C'est un prototype? Un prototype, c'est ce qu'ils appellent le flipper. Ça flippe. Mais ce sont des couteaux d'exception. Mathieu, voilà, c'est ça. Oui, oui. Et on va parler 2 minutes de ce qui va se passer à Nontron, etc. Voilà. Et après, quand ça c'est fini, une photo globale. Voilà. Et peut-être que. Ouais. Une photo. On pourra peut-être la faire sur la chanson. Tu sais, entre le premier indice. Voilà. Parfait. Parfait. Parfait. Merci. Merci. C'est, voilà. Moi, j'aime bien ce genre de photos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. On compte. 22. 22e édition, on est bon. 22e édition, oh, c'est pas mal ça. Eh bien, bien sûr, c'est pas mal. Vous demandez. J'ai rendez-vous chez le coiffeur. Ah, et donc vous voulez pas venir? Je peux pas, j'ai rendez-vous à 5h. C'est ça. Mais vous pouvez pas dire au coiffeur qui vient vous coiffer ici. Mais je vous suis tous les jours, mais voilà, j'ai pas le choix. Oui, c'est ici, donc voilà, il vous reste quelques minutes pour nous rejoindre. Le temps d'une chanson et essayer de, bien sûr de battre le record des Baby, c'est-à-dire 132 personnes. 132 personnes, peut-être le pari possible. Et puis il y a quelques personnes qui m'ont rejoint, comme Franck qui écoute France Bleu Périgord, c'est un auditeur qui nous suit depuis longtemps. Et Franck exactement. Est venu spécialement. Hein. Oui, exactement. Voilà, il avait rendez-vous chez le coiffeur, il a annulé son rendez-vous chez le coiffeur. Oui, n'hésitez pas, si vous êtes dans les environs à côté de Nontron, à vous rendre dans ce très beau village. Marie-Dominique, on vous retrouve dans quelques minutes, le temps de laisser passer cette chanson qui va vous obséder tout l'été. Vous pouvez monter le son, notamment si vous avez des enfants dans la voiture. Les enfants, vous pouvez faire la chorégraphie, vous avez le droit. Vous êtes prêts? Despacito. Bonjour Huguette qui a entendu l'indice ce matin. Bonjour Huguette. Bonjour. Donc bravo, vous nous avez trouvé, c'était facile les amis? Oui, ah, c'est très, très facile, très bien. Je vous annonce Louis, le compte de personnes qui m'ont retrouvé ici à Nontron. Nous sommes, vous êtes prêts messieurs, dames? On fait du bruit sur France Bleu Périgord. Allez, on est 28. 28 personnes, voilà, qui sont là. Ouais, mais j'adore faire des bons bruits. Notre journaliste favori. C'est juste là, il n'y a rien à dire. Et quand je vous dis bonjour, on bonjour à assez fort pour rencontrer quelqu'un, quoi. D'accord, d'accord. Ah, voilà. Il y a une super photo à prendre. Bon, je tends l'oreille et qu'est-ce que je vois? Vous. J'ouvre l'œil et qu'est-ce que j'entends? Un bruit douteux.